position. Je n'ai plus de pensée, je ne pense qu'à manger. Ma chair en décomposition. Je n'ai plus de pensée, je ne pense qu'à manger. Tout a commencé il y a de cela quelques heures. Un virus dans les airs commence à se propager. Ça provient sûrement de ce putain de laboratoire. Ils y font des expériences, des modifications d'ADN. Il y a des gens qui ont commencé à devenir super agressifs. Ils ont commencé à se mordre, à se déchiqueter la chair. Et puis ça s'est propagé de plus en plus. Tous les gens perdaient leurs pensées et ils ont commencé à s'entretuer. Et ils ont commencé à s'entretuer. Je suis un mort vivant.